Bon, chers collègues, bonsoir. J'ouvre cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Chahir a donné pouvoir à Yalana Dino, qui arrive. Édouard De Noël, Émilie Trigot, Vassin Doucissé, John Jibiro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akour m'a donné pouvoir, Merlane Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval arrive, Brigitte de la Perelle a donné pouvoir, Édouard De Noël, Daouda Keïta, il était là, Jean-Claude Oliva, Valérie Bi a donné pouvoir, Mariam Diop, Yalana Dino arrive, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir, Édouard De Noël, Mariam Diop, Caline Tribic, Amit Chahir a donné pouvoir à Anne Gerval, Mamadou Sylla a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Manon Chrétien, Hissène Ounissi a donné pouvoir à Cédric Pape, Zora Kelly, Mona Bellil qui vient d'accoucher, que l'on salue amicalement, a donné pouvoir. Voilà. A donné pouvoir à Émilie Trigot, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Solène Le Bouris, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, Claire Laurence a donné pouvoir à Laurent Jamais, Solène Le Bouris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mariam Diop, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Nous n'avons pas de demande d'intervention du public. Avant de démarrer le conseil municipal, je souhaiterais qu'on puisse rendre hommage à Claude Michaud, qui a été conseiller municipal de 1971 à 2001, qui nous a quittés il y a peu. Et avant de donner la parole à Mohamed Jenan, je vous proposais d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Mohamed, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, notre ami, notre camarade, notre collègue, Claude Michaud, nous a quittés il y a quelques jours. Claude était originaire de Charente-Maritime. Il est arrivé à Bagnolet à la fin des années 50. Il habitait rue Sadi Carnot, exactement au numéro 110. Claude était ouvrier des bâtiments. Il a exercé plusieurs mandats. Le dernier s'est achevé en 2001. C'était un homme travailleur et courageux, un élu de terrain. Claude était apprécié de tous. C'était un élu très ouvert, à l'esprit vif et qui aimait profondément les gens. Sa disparition nous a donné à réfléchir en mettant chacun de nous devant son miroir. Nos condoléances à sa famille et à ses proches. Merci. Merci. Donc je vous propose de passer au point numéro 1. Il s'agit du compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Conclusion d'un protocole transactionnel avec un tiers. Olivier Tarabella. Bonsoir. C'est à nouveau un protocole transactionnel lié à des questions d'assurance. Sur des sommes qui restent à chaque fois faibles, mais qui sont liées évidemment à la franchise que nous impose l'assurance, donc qui est plus simple pour la ville financièrement et dans son intérêt de passer par ce type de protocole. On nous a posé la question en commission, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une espèce de délibération cadre pour éviter de devoir redélibérer à chaque fois. Comme dans le protocole transactionnel, il y a à la fois la transaction financière, mais aussi l'abandon de poursuite mutuelle, on est obligé systématiquement de revenir devant le conseil municipal pour délibérer, raison pour laquelle on sera amené encore dans le futur à avoir ce type de délibération si des sinistres devaient intervenir. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Jamais. Oui, bah, écoutez, oui, c'était un peu la question qui est important, puisqu'on délibère sur une somme assez simple pour un timbre fiscal pour 17 euros. Et c'est vrai qu'on a posé au maire un certain nombre de questions sur les décisions qu'il prend en dehors du conseil municipal, et notamment sur des montants importants d'emprunt auprès de la Caisse française de refinancement, environ 1,1 million et 9,8 millions d'euros, pour des durées qui sont importantes, 12 et 18 ans, avec des taux variant du simple au triple, 0,56 et 1,62. Donc c'est vrai que on est amené dans ce conseil à délibérer sur des sommes de 17 euros portant sur un timbre fiscal, alors qu'il y a des décisions qui sont prises par ailleurs, qui portent sur des enjeux qui sont autrement importants et qui mériteraient bien plus, à mon sens, un débat au conseil municipal. Par ailleurs, nous voterons évidemment pour cette délibération, pour que l'habitant dont vous avez égaré le timbre fiscal puisse être remboursé. Oui. Juste une remarque rapide en retour sur les renégociations d'emprunt qui ont fait l'objet d'une présentation détaillée en décision modificative numéro 2. Donc on a quand même eu l'occasion d'en parler au conseil municipal. Donc je suis évidemment pas tout à fait d'accord avec vous. Je rappelle que dans le dossier du conseil municipal, on a fourni une présentation des opérations de refinancement avec les marges de manœuvre générées, un tableau d'amortissement. Ce à quoi nous n'étions absolument pas obligés, puisqu'on aurait pu se contenter effectivement de l'inscription comptable et de la décision du maire. Donc on a quand même cherché à être plutôt dans une forme de transparence et de bonne information des conseillers municipaux sur ces opérations de refinancement. Voilà, donc je voudrais quand même tempérer un petit peu cette critique. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas dans le périmètre du conseil municipal, mais je pense que sur ce sujet-là en particulier, entre l'ADM et ce qu'on a fourni dans le cadre du dossier au Conseil, dont on a pu parler d'ailleurs en commission municipale, je pense qu'on a été plutôt diligent. Oui. Dernière remarque, mais j'entends ce que vous dites, mais on va être amené à voter pour ce timbre fiscal de 17 euros, alors que nous avons été amenés à débattre sur les points que vous venez d'évoquer sans avoir eu à voter. Je propose de passer aux voix sur ce timbre fiscal. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération numéro 3, accord cadre relatif à la fourniture et livraison de masques de protection. Olivier. C'est un accord cadre dont on a pu discuter lors du dernier conseil municipal, que nous avions fait le choix de retirer de l'ordre du jour. La raison étant que dans le cadre de ce marché en commission d'appel d'offres, il nous fallait attribuer le marché à la fois à un premier titulaire et un second titulaire dans l'hypothèse où le premier titulaire ferait défaut, de manière à avoir une constante, évidemment, fourniture de ces équipements très stratégiques en pleine période de pandémie, sans rupture d'approvisionnement. Nous aurions pu passer cette délibération à l'époque, simplement, comme on n'avait pas été complètement... on avait oublié en commission d'appel d'offres à la fois d'attribuer au premier, mais aussi au second en secours. On a préféré repasser en commission d'appel d'offres le 27 décembre, ce qui n'a d'ailleurs, je précise que ça n'a pas changé l'entreprise attributaire. On est sur les mêmes entreprises que celles qui ont été présentées à la première commission d'appel d'offres. Mais on était sûr d'avoir aucun risque juridique sur ce marché. Et donc, on repasse maintenant, après cette CAO, la délibération au conseil municipal, ce qui nous garantit d'avoir une sécurité juridique totale sur ce marché. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Convention de groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public relatif à l'achat de mobilier, de bureaux et de réunions. Olivier. À l'initiative d'Est Ensemble, depuis maintenant plusieurs années, nous avons plusieurs groupements de commandes en cours sur des fournitures de matériel qui se trouve évidemment, toutes les collectivités ont des besoins basiques que nous partageons avec des cahiers des charges qui sont globalement les mêmes. Nous avons à chaque fois une commune ou une entité, puisqu'il y a aussi des CCAS, qui est pilote et qui passe en interne ce marché, et la possibilité d'adhérer au groupement de commandes pour les autres collectivités d'Est Ensemble. Donc, nous avons fait le choix d'adhérer au marché sur le mobilier de bureau et de réunion qui sera porté par la ville du Pré-Saint-Gervais au niveau de sa propre commission d'appel d'offres. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs. Donc cette mise à jour fait suite à la prise en compte de réussite au concours, d'examen professionnel d'agent, de création et de transformation de poste. Et elle a fait l'objet d'une présentation et d'un vote lors du dernier comité technique. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Jamais. Vous pourriez nous donner un peu ce qu'a été le débat du comité technique paritaire. Bon, en ce qui nous concerne, on a bien regardé attentivement s'il s'agit de la transformation d'un poste de quelqu'un qui a réussi son concours. Donc à ce titre, c'est tout à fait positif. Nous, on aime bien que les agents passent des concours et réussissent. Évidemment, c'est un poste sensible, hein, puisque c'est un poste de policier municipal. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas pris le temps de regarder un peu ce qu'était le cadre juridique des choses, je crois que la loi a changé, on est passé de 5 agents à 3 pour avoir une convention pour établir une police municipale. Donc évidemment, ce n'est pas le cas, et je pense que c'est bien de le dire aussi dans une intervention préalable à la présentation de cette délibération. Il me semble, par ailleurs, par le passé, on avait déjà eu des postes de policier municipal parce que ça permet de répondre à des besoins spécifiques. Et voilà, moi, j'y suis favorable. Autre chose est évidemment la création d'une police municipale qui mériterait un débat bien plus approfondi que cette discussion-là. Voilà. Donc, ça sera le sens de notre vote positif ce soir concernant cette délibération. Il ne s'agit pas de la création d'une police municipale et il y a eu un vote favorable du comité technique. Émilie Trigo. Juste un mot pour confirmer ce que vous dites. Il ne s'agit absolument pas de la création d'une police municipale, mais surtout, on a eu cette discussion-là au dernier conseil municipal où on l'avait déjà dit, puisqu'il était déjà dans le tableau des effectifs. On en a parlé au mois de décembre. Mais juste, je vous confirme que c'est bien le cas d'un seul agent, ASVP, qui a eu le concours, qui lui tout seul va être intégré, mais qu'il est depuis le dernier conseil municipal. En fait, aujourd'hui, dans la délibération suivante, vous verrez que du coup, on intègre le régime indemnitaire de policier municipal, comme ça je ne reprendrai pas la parole après, mais qui évidemment, pour se mettre en conformité suite au tableau des effectifs qu'on a voté au dernier conseil, et que effectivement, et ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire, mais je le répète là, ça va nous permettre et globalement, collectivement pour la ville, d'avoir certaines compétences, et notamment une principale qui est celle de la fourrière, qui est une compétence qui aujourd'hui est uniquement celle de la police nationale. Et on n'a pas besoin tous ensemble dans cette pièce-là de se dire que si on pouvait aller plus vite sur les véhicules ventouses, ça serait quand même mieux pour tout le monde. Et c'est notamment une des spécificités que cet agent va pouvoir avoir, outre d'autres verbalisations, par exemple les chiens de catégorie 1, mais en tout cas la fourrière, c'est sûr et certain que ça va pouvoir activer le mouvement. Et il n'est pas question à l'heure d'aujourd'hui d'aller jusqu'à 2 ou 3 agents qui poseraient la question d'une police municipale, dont évidemment il y aurait le débat, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour, et je vous le confirme aujourd'hui. Je sais jamais. Oui, donc on en prend évidemment note, hein, et on l'avait lu dans la délibération. J'avais un peu effectivement oublié ce qu'on s'était dit au mois de décembre sur ce sujet. Je voudrais aborder une autre question, parce que c'est un conseil municipal qui est relativement court, ça devrait aller vite, on ne va pas discuter longuement sur un certain nombre de sujets, mais j'ai reçu aujourd'hui une interpellation d'une organisation syndicale concernant une motion de soutien aux agents de Bagnolet convoqués en vue de sanctions. Il est fait état qu'un certain nombre d'agents sont convoqués, y compris des responsables, pour ne pas le nommer, de la CGT, qui sont actuellement convoqués. On avait, dans un vœu précédent sur lequel on se rappelle très précisément vos réponses, que je trouvais assez terrible, parce que je considère, moi, que nous sommes... je ne reviendrai pas sur le mouvement qui a eu lieu, mais en tout cas, il y a dans les conflits sociaux, quelque chose qui peut s'appeler des sorties de crise, quoi. Et je pense que cela mérite que un terme que je déteste, mais je vais l'utiliser pour bien me faire comprendre, c'est que le dialogue social reprenne dans les meilleurs délais, quoi. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agents sont convoqués, semble-t-il, pour des motifs futiles. Et d'autre part, qu'un certain nombre de de responsables syndicaux, c'est quand même une gravité sans nom, sont eux aussi convoqués, quoi. Et moi, je pense que la mairie de Bagnolet aurait bien tort de se lancer dans la criminalisation de l'action à la fois des agents et de l'action syndicale. Écoutez, on ne criminalise rien du tout. Je pense que le dialogue social est nécessaire, il est indispensable, mais il ne peut avoir lieu ni dans la menace, ni dans l'insulte. Et c'est ce qui s'est passé au mois de novembre. Voilà, il y a des agents qui sont convoqués. Ça ne préjuge pas de l'issue de la procédure disciplinaire. Vous parlez du responsable de la CGT. Effectivement, il y a un responsable de la CGT qui est en arrêt de travail depuis bien longtemps, qui était présent ce jour-là et qui a jugé utile, avec son badge, d'ouvrir une douzaine de reprises l'accès au second étage. Voilà, quand on est malade, on est malade. Mais bon, peu importe. En tous les cas, loin de nous l'idée de criminaliser l'action syndicale. Il faut un respect mutuel. Depuis, on a eu un certain nombre de CT, de CHSCT. Mais le respect doit être mutuel. Voilà ce que je pouvais dire. Et ça me paraissait important de le répéter. Ouais. En tout cas, nous, on apporte notre soutien aux agents qui sont aujourd'hui convoqués. OK. Mais c'est dont acte, compris. Voilà. Il y a des gens qui nous ont insultés, qui nous ont menacés. Voilà. Mais j'en prends acte. Pas de souci. Je vous propose de passer aux voix sur cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, c'est la mise à jour du régime indemnitaire de la filière police municipale, donc qui est la conséquence en fait de la réussite au concours de l'agent dont nous parlions à l'instant. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient, elle est approuvée. La délibération suivante est aussi liée à cette réussite et notamment à la prise en compte de la réussite au concours de cette ASVP. Donc, est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération, pardon ? Pas d'observation ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de mettre à jour le règlement relatif au compte épargne-temps. Est-ce que vous avez des observations là-dessus ? Ça fait également l'objet d'un vote unanime en comité technique, ce qui prouve que le dialogue social existe à la ville de Bagnolet, même s'il est parfois difficile. Monsieur Jamais. Oui, un vote unanime, ça peut se passer avec des abstentions, j'imagine. Vous dites unanime. Pour le CET, pour moi, c'est unanime. D'accord. Okay. Il me semble. Non. D'accord. À vérifier, on vérifiera, mais pour moi, c'était... Sur le CET, c'est unanime. Sur le CET, oui, c'était unanime. D'accord. Pardon. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 9. Plan de sauvegarde de la copropriété d'habitation du bâtiment 4 de l'ANOU à Bagnolet, avenant numéro 1. Édouard. Oui, donc on a deux délibérations, bonsoir, qui se suivent, la 9, la 10, pour le bâtiment 4, avenant 1, puis pour le bâtiment 5, le deuxième avenant. Donc ces deux avenants au plan de sauvegarde, ils font suite à une réunion de suivi qui s'est tenue dans cette salle même juste avant la Toussaint 2021. Et qui conclut que pour le bâtiment 4 et pour le bâtiment 5, il est nécessaire de poursuivre à la fois le suivi technique et le suivi financier de la copropriété pour une durée supplémentaire d'une année, afin notamment de finaliser les travaux en cours. À noter que les surcoûts induits n'auront pas d'incidence financière pour la ville, puisqu'on a des subventions ANA, CDC Banque des Territoires et une participation d'Est Ensemble. Donc c'est une somme nulle pour la ville de Bagnolet. Merci Edouard. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, elle concerne le bâtiment 5. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. La délibération 11 concerne la mise en œuvre du permis de louer dans notre ville, Édouard. Je suis allé trop vite ? Ah oui. On est sur la 10. Mais on est bien sur le permis de louer. Ah oui, oui, exact. Permis de louer, Édouard. Alors, le permis de louer, ça existe depuis 2014, ça existe depuis la loi Allure, et à Bagnolet, ça existe depuis 2018, où on l'applique sous la forme d'une déclaration préalable dans le quartier des Coutures et dans une petite partie du quartier Centre-Sud. Le but du jeu, c'est de cibler les mises en location dans le parc privé d'un habitat potentiellement indigne. Et on sait qu'aux Coutures, et d'ailleurs il y a une OPA qui cible ce quartier, il y a un important tissu de petits collectifs qui peuvent être principalement concernés par cela. Du coup, fin 2020, on a fait le bilan du dispositif de cette déclaration préalable et on en comptait 80, ce qui est un nombre faible, même si c'est un nombre croissant. Et du coup, ce n'est pas un dispositif suffisant. Donc l'objet de la délibération de ce soir, c'est d'aller plus loin dans la lutte contre l'habitat indigne et de signer une convention avec la CAF. Pourquoi la CAF ? En fait, ce qu'on a besoin de connaître, c'est d'avoir la vision la plus complète possible des mises en location pour voir si elles se conforment aux déclarations préalables d'un permis de louer déposé par tous les propriétaires bailleurs. Donc quoi de mieux que le fichier CAF pour croiser les données et nous permettent de savoir qui ouvre des droits au logement et du coup de cibler au mieux les adresses. Donc c'est un très bon dispositif qui va permettre à la ville de mieux connaître en gros le tissu locatif, de mieux lutter contre l'habitat indigne et puis je le rappelle quand même parce que c'est important, c'est un dispositif habitat qui rentre dans plusieurs dispositifs successifs qu'on connaît aujourd'hui, la prolongation et l'approfondissement, j'en ai parlé au dernier conseil, de l'OPA RU aux Coutures, son extension géographique au centre de la ville. Je rappelle également que depuis le 1er décembre, l'encadrement des loyers s'applique sur tout le PT Est Ensemble et donc singulièrement à Bagnolet. On a essayé de communiquer assez largement là-dessus. Il y a notamment des courriers qui sont partis aux agences immobilières de la ville, aux syndics. Et cette politique volontariste de l'habitat, elle est menée côté habitat privé, donc avec l'encadrement des loyers, avec la lutte contre l'habitat indigne, et ça mobilise des financements importants. Et je le rappelle pour avoir les choses bien en tête, sur la partie lutte contre l'habitat indigne, il y a un gros volet rénovation thermique du bâti, avec à la clé des sommes importantes pour ces logements. Je vous remercie. Merci, Edouard. Des remarques ? Pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Zach Benoyeur, prolongation de la concession d'aménagement. Cédric. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, effectivement, cette délibération concerne la Zach Benoyeur pour demander votre avis favorable à la prolongation de la convention de la concession d'aménagement. Ce sera le 12e avenant. Une prorogation de 6 mois pour des raisons très techniques, administratives et notamment liées à un contentieux. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention avec la Philharmonie de Paris. Projet Demos 2021-2024, projet que nous avons lancé il y a maintenant 6 ans dans notre ville. Merlane Georges. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Ce projet de délibération donc, vise effectivement à renouveler une convention de 3 ans avec la Philharmonie Paris sur le projet Demos, qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle que nous menons à Bagnolet. C'est donc le 3e cycle de 3 ans. Et c'est ainsi l'inscription dans une pérennité de ce travail extraordinaire qui est fait au sein des centres de quartier de la Fosse aux Fraises et des Coutures. Cette année, ce sont 15 enfants qui apprennent à jouer des instruments à cordes, violon, alto et violoncelle. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer pour les 3 ans à venir. Est-ce qu'il y a des remarques, Madame Sidi? Non, juste un mot. Je vais pas. J'ai eu l'occasion de féliciter Merlin Georges et puis l'ensemble de la ville pour ce dispositif qui fonctionne bien, qui permet à chaque année à plusieurs enfants de continuer l'apprentissage de la pratique instrumentale, orchestrale au conservatoire. Donc c'est vraiment un dispositif précieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, convention avec le Colombier Compagnie Langaja. Merlin Georges. Merci, Monsieur le maire. M'autorisez-vous à présenter, grouper les 3 conventions triennales qui suivent ? Allons-y. Je vous remercie. Donc, ces conventions triennales avec la compagnie Langaja Théâtre Le Colombier, compagnie publique chérie L'Échangeur et le Conservatoire Slave de Musique, et vous est présentée aujourd'hui car nous avons obligation de conclure une convention avec toute association percevant une subvention supérieure à 23 000 euros. Ce sont des partenariats qui sont avec ces acteurs culturels qui sont bien inscrits sur le territoire déjà depuis de nombreuses années et qui répondent aux besoins culturels de la population et garantissent également un égal accès de tous les habitants à la culture tout en prenant en considération les droits culturels. La commune souhaitant répondre le plus largement possible à ces enjeux. C'est la raison pour laquelle ces conventions nous permettent de créer un partenariat solide avec ces structures. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'approuver les conventions d'objectifs triennales avec ces 3 acteurs culturels importants de notre ville. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Jamais ? Enfin, je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, de dire, enfin, c'est une explication de vote, mais on intervient régulièrement sur les lieux culturels, parce qu'aujourd'hui, on a été amené à le dire, mais on est dans un monde qui est de plus en plus difficile, la culture joue un rôle extrêmement important en direction des populations, en direction des jeunes, en direction des milieux défavorisés. Et je crois que les lieux que l'on évoque, que ce soit évidemment le Colombier, que ce soit l'échangeur, enfin la compagnie, l'association publique chérie donc, qui gère l'échangeur, que ce soit le conservatoire slave, jouent des rôles importants. Donc évidemment, on se félicite. Bon, nous, on aime bien avoir des échanges avec chacun de ces acteurs qu'on n'a pas pu avoir dans le contexte actuel parce que ça nous permet d'évaluer quels sont les niveaux d'accord et voire de désaccord, en tout cas de travail avec la municipalité. Bon, en tout cas, ce soir, nous, on veut évidemment s'inscrire dans un vote positif pour soutenir chacun d'entre eux dans encore une fois, ce moment difficile. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Alors, je propose de passer aux voix sur la délib 14, convention avec l'association Le Colombier, compagnie Langaja. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante, public chéri, théâtre de l'échangeur. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante, conservatoire slave de musique. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je remercie. Délibération suivante, demande de labellisation patrimoine d'intérêt régional de l'ancienne mairie. Merlin Georges. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons une ancienne mairie de Bagnolet qui date de 1881. Et en son sein, il y a des peintures qui sont classées au monument historique. J'ai d'ailleurs proposé à l'ensemble des conseillers municipaux une visite à laquelle malheureusement tous n'ont pas pu assister. Comme vous le savez, son état se dégrade fortement depuis une dizaine d'années. Grâce à l'excellent travail des services et de l'administration qui se sont rapprochés de la région Île-de-France, nous avons appris que la région Île-de-France avait créé en 2016 un label d'intérêt régional qui est un dispositif d'aide à la restauration et à la valorisation du patrimoine présentant un intérêt historique important, mais ne bénéficiant pas des protections des monuments historiques. Donc, au-delà de nous apporter un soutien en communication, de valoriser notre patrimoine en l'intégrant au réseau régional, cette labellisation nous permettrait d'obtenir des subventions en investissement à hauteur de 30% par tranche d'1 million d'euros pour la restauration de ce patrimoine auquel nous tenons et d'obtenir également des financements en fonctionnement pour le valoriser, voire également une possibilité de financer des études préalables à sa restauration. Donc, obtenir ce label pour l'ancienne mairie, également peut-être plus tard pour d'autres bâtiments patrimoniaux, permettrait non seulement de valoriser ce bâtiment emblématique de Bagnolet, mais aussi de trouver une source importante de financement pour sa restauration, ce qui, bien entendu, soulagera d'autant plus les finances de la ville. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'approuver la demande de labellisation de l'ancienne mairie patrimoine d'intérêt régional auprès du Conseil régional d'Île-de-France et d'autoriser M. le maire à signer la convention ou tout document relatif à la labellisation entre la commune et le Conseil régional d'Île-de-France. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, Madame Desmorty? Oui, c'est plutôt une question. Évidemment, on est favorable à cette demande de labellisation pour l'ancienne mairie. Est-ce que vous avez identifié d'autres bâtiments patrimoniaux à ce stade? Alors évidemment, on pense au Collège Travail, qui est un bâtiment remarquable, mais qui pourrait faire l'objet d'une demande de labellisation de ce type. L'église. Alors, l'église est classée déjà, ainsi que des objets qui sont à l'intérieur, mais tout à fait. Une visite entière a été faite de la ville, ça a duré des heures, et ils sont revenus même. Et effectivement, le collège travaille, ainsi que certains murs de clos à pêche ou d'autres bâtiments, effectivement, ont été identifiés. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette délibération, il y aurait d'autres lieux, effectivement, qui pourraient être labellisés. Donc, on ne vendra pas le foncier du collège travail à Bouygues ou à Vinci, ou à je ne sais quel promoteur immobilier. Voilà. C'est très bien de le préciser. Ou à FAGE. Et on est très vigilant également avec ces AIPAP sur ce qui se passe sur la parcelle mitoyenne du clos à pêche en centre-ville, rue Grindorge, qui suscite beaucoup d'appétit à Bagnolet, y compris de gens éminents, n'est-ce pas Cédric? Et donc on est très vigilant avec les habitants. Les habitants sont constitués en association. Et en sorte, l'idée, c'est quand même de préserver cette rue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé, je vous remercie. Convention avec la région Île-de-France concernant les opérations de dépistage Covid. Grégoire. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Une délibération importante et qui tombe à pic, je pense, pour mettre en lumière le travail de l'administration et de la municipalité depuis 2 ans sur le Covid et dans le cadre de cette crise, avec une mobilisation très forte, à la fois pour organiser des actions, et j'y reviendrai, mais également pour aller chercher auprès de nos partenaires des subventions pour faire bénéficier à la population de la meilleure politique de santé possible dans le cadre de la crise du Covid-19. Sur cette délibération concerne l'allocation de 18 000 euros par la région Île-de-France pour l'ensemble des opérations de dépistage qui ont été menées à Bagnolet. Donc des opérations de dépistage qui ont concerné à la fois les enfants, les personnels communaux. Donc il y a eu un grand travail qui a été fait sur les personnels communaux. pour les faire accéder le plus facilement possible au dépistage, et puis également des dépistages qui ont concerné l'ensemble de la population. Donc chacun a pu en voir sur la place de l'Hôtel de Ville notamment, récemment également lors du marché de Noël, et encore plus récemment des dépistages salivaires pour les enfants à l'Hôtel de Ville. Donc c'est une première partie de la délibération. La deuxième partie sont les opérations de vaccination. Donc c'est 10 000 euros. Donc on ne le vote pas formellement puisqu'il n'y a pas besoin d'un vote du conseil municipal pour une subvention de 10 000 euros. Mais ça, je crois que c'est important de souligner cette subvention également parce qu'elle montre la mobilisation de la ville sur la vaccination. Alors certes, avec... évidemment, la déception de ne pas avoir pu avoir un centre de vaccination comme cela avait été promis au début de l'année 2021 par le préfet et notamment au gymnase Maurice Baquet où voilà, tout avait été préparé et que du jour au lendemain, cette promesse est tombée à l'eau. Mais en tout cas, voilà, montrer qu'il y a eu plus de 90 opérations qui ont été organisées par le centre municipal de santé et la ville pour vacciner les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Alors, des opérations à la fois la vaccination à domicile pour les personnes les plus fragiles, des opérations de vaccination en collaboration avec les centres de vaccination de Romainville et de Montreuil, avec des sessions spécifiques qui ont été organisées pour les habitants de Bagnolet, et des déplacements qui étaient d'ailleurs également organisés, des vaccinations au plus près de la population, avec les opérations à l'ANOU, à la capsulerie, et également des opérations au sein du centre municipal de santé pour vacciner l'ensemble des Bagnoletaises et des Bagnoletais, dont le suivi s'est réalisé au centre municipal de santé, dont le médecin traitant est dans le centre municipal de santé. Donc on a eu l'occasion de s'entretenir notamment avec le comité de défense du CMS pour rappeler cette forte mobilisation du centre municipal de santé dans ses campagnes de vaccination. Et cette mobilisation continue puisque les 10, 14, 15 et 17 février, il y aura des opérations de vaccination gratuites et sans rendez-vous de 9h à 13h30 à l'Hôtel de Ville. Et le 11 février, une opération également de vaccination au centre de quartier Guy Toffoletti. Donc encore une fois, pour être au plus près de la population, pour lutter contre les inégalités de santé. Et c'est d'ailleurs donc ce qui nous guidera tout au long de l'année 2022 avec la poursuite de notre politique ambitieuse en termes de santé, la création de la mutuelle municipale, l'investissement dans le centre municipal de santé et la mise en place du panoramique dentaire, et puis encore d'autres investissements qui permettront de faire bénéficier à toutes les Bagnoletaises et tous les Bagnoletais de la meilleure politique de santé possible dans la situation actuelle. Je vous remercie. Merci Grégoire. Des remarques, Madame Desporti. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire en commission, mais Grégoire de la Gannerie n'était pas là, donc je vais répéter. Sur la vaccination, je ne dirais pas qu'il y a eu un loupé, en tout cas peut-être que vous n'étiez pas fautif, mais en tout cas l'absence de centre de santé a été extrêmement... De vaccination a été une grosse faiblesse de cette année 2021. Alors, pour quelle raison le préfet s'est rétracté et pourquoi le centre de vaccination initialement prévu au gymnase Baquet n'a pas pu voir le jour, vous allez nous répondre. Mais à l'échelle d'Est Ensemble, sur les 9 villes, je pense qu'il n'y a que Bagnolet et les Lilas, sans, je ne veux pas dire de bêtises, qui n'ont pas obtenu de centre de vaccination. Le Pré Saint-Germain non plus ? Bon. Toujours est-il que lorsque, en janvier 2022, Omicron a déferlé, je prends l'exemple de la ville des Lilas, il y a eu des créneaux de vaccination. Le théâtre garde-chasse a été mis à disposition des soignants et il y avait des créneaux qui étaient des créneaux réguliers. Vous êtes contenté d'organiser des opérations ponctuelles, coups de poing, de vaccination, de dépistage. C'est très bien, mais ce n'était pas suffisant. Donc, le résultat, c'est que je crois que j'avais regardé, j'ai plus les chiffres en tête, mais disons qu'il y avait, sur le territoire, il n'y a eu pas plus de 1300 Bagnoletais et Bagnoletaises qui ont pu se faire vacciner. Ça fait, sur une population éligible à la vaccination, en gros, je ne sais pas, je dirais 20 000 Bagnoletaises, à peu près éligibles, vous avez les chiffres mieux que moi, c'est quand même extrêmement faible. Donc ça supposait, alors pour certains, ce n'est pas compliqué d'aller se faire vacciner à Montreuil ou à Paris, mais ça, c'était une contrainte supplémentaire qui a été imposée aux administrés. Peut-être que vous allez nous répondre sur les raisons de cette absence de centre de vaccination, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas vous et que c'était les services de l'État et l'ARS qui n'avaient pas permis la mise en place de centres. Mais bon, c'est quand même, il y a eu un loupé là-dessus. Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu un loupé. Il n'y avait pas un centre de vaccination par ville en Seine-Saint-Denis. Je pense que vos informations sont manifestement erronées. Nous, on a fait acte de candidature. J'ai parlé d'Est Ensemble, pas de Seine-Saint-Denis. On a fait acte de candidature, on a proposé un site. La préfecture en a jugé autrement. C'est bien dommage. C'est bien dommage que la préfecture n'ait pas choisi d'ouvrir un centre de vaccination à Bagnolet, nous expliquant que leurs données statistiques faisaient que c'était plus justifié à Romainville ou à Montreuil. Grégoire, est-ce que tu veux compléter ? Oui, c'était un calcul basé sur les besoins de population sur l'ensemble du territoire. Et je pense que sur cette question-là, on peut quand même avoir une vision intercommunale et se dire que, par exemple, je pense que les habitants du plateau étaient contents que le centre soit à Romainville et pas aux Coutures. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus raisonner aux limites de la ville. On a réussi à créer, d'ailleurs, une solidarité intercommunale très forte, puisqu'on a organisé avec Romainville, avec le centre de vaccination de Romainville et de Montreuil, des opérations de vaccination, des créneaux réguliers. Toutes les semaines, il y avait des créneaux qui étaient réservés aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais. On a récupéré des doses dans ces centres pour aller justement à domicile, pour faire de l'aller vert et pour vacciner les personnes les plus fragiles. Donc voilà, on aurait bien aimé avoir ce centre parce que, évidemment, ça aurait sans doute facilité peut-être l'accès à la vaccination pour certaines populations. Mais en tout cas, je dirais qu'on a ce manque a incité toute l'administration à créer des actions à leur coup de poing, des actions qui n'ont pas été que coup de poing parce que c'était un accompagnement très lourd. Il y a l'ensemble des fichiers du CCAS qui ont été épluchés. Toutes les personnes qui étaient répertoriées au sein du CCAS ont été appelées pour leur demander s'il y avait besoin d'aide pour se faire vacciner, pour leur demander s'il y avait... Donc il y a eu tout un peu un travail de dentelle qui a été fait par l'administration justement pour combler ce manque de centres de vaccination. Donc je crois que voilà, il faut aussi reconnaître cet investissement-là. Et puis par rapport maintenant en termes de vaccination, il n'y a pas que la municipalité. Je veux dire, la médecine française est une médecine aussi libérale. Les pharmaciens de la ville sont très mobilisés. Il y a 3 pharmacies qui vaccinent. Tous les professionnels de santé de la ville libéraux sont très mobilisés et vaccinent. Donc, il faut pas non plus. Il faut aussi avoir une vision un peu globale, ce qui nous amène à avoir à Bagnolet des taux de vaccination équivalents à ceux de Montreuil, un peu au-dessus de ce Romainville. Donc, on est vraiment sur des niveaux très satisfaisants. En n'ayant pas eu ce centre, voilà, c'est un symbole. Je pense qu'on aurait tous aimé l'avoir. On avait fait les investissements pour dans le gymnase Maurice Baquet. On a mis tout le monde, je pense, à contribution. Je pense qu'on avait dû être une des premières villes à envoyer notre demande d'ouverture de centres de vaccination dans toute la France. Tout début janvier 2021, je rappelle que l'EHPAD des 4 saisons est un des premiers EHPAD où on a eu la visite de Madame Bourguignon, de la ministre, qui est un des premiers EHPAD à avoir pu faire bénéficier ses résidentes et résidents de la vaccination. Donc voilà, c'est un manque, mais on est d'accord, on aurait bien aimé l'avoir. Ça aurait été, on aurait fait comme ça, on aurait atteint toutes les cibles et on aurait fait un 100%. Là, on est un peu à 99%, je dirais, mais on peut quand même être satisfait et fier des services de la ville pour tout le travail qui a été accompli sur ce sujet. Allez-y. Pardonnez-moi, mais 99%, c'est sur quoi, par rapport à quoi Non, c'est juste pour dire en termes d'investissement et d'atteindre des objectifs sur la vaccination. Je pense qu'on a quand même réussi à mobiliser tous les services de la ville, le CCAS, le centre municipal de santé. C'est une image. D'accord. Non, voilà. Mais parce que vous avez communiqué, me semble-t-il, il y a quelques semaines, sur 90% de vaccination des Bagnoletais, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale, qui, me semble-t-il, était de 64%. Donc, d'où sort ce chiffre? Vous l'avez trouvé où, ce chiffre? Vous posez la question. Donc ça, j'ai répondu à M. Jehan. On a eu l'occasion de... Donc j'ai envoyé un mail. Je lui ai même dit qu'il pouvait m'appeler s'il le souhaitait. J'ai pas eu de coup de fil de sa part pour en parler. Donc voilà, je pense que si vous voulez qu'on en discute, c'est sur Data Vaccin Covid. C'est pour les plus de 18 ans. Et donc voilà, on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais... En tout cas, voilà, je pense que ce qu'il y a, et même sur ce site-là, vous pouvez comparer par rapport à Romainville, par rapport à Montreuil, vous verrez qu'on a des taux qui sont très comparables et que finalement, on n'est pas sur des sujets de y a, voilà, on reconnaît que sur la partie centre de vaccination, ça aurait aidé, mais je pense qu'il y a eu toute une mobilisation et ça a peut-être demandé beaucoup plus d'énergie, je pense d'ailleurs à la direction santé et au service de la ville de devoir compenser ce manque que si on avait eu le centre et avec un accès beaucoup plus facile. Je sais jamais. Juste un mot très court. Enfin, je pense que le débat que nous avons n'est pas inutile. Parce qu'évidemment, beaucoup de bagnoletais s'interrogent sur cette question. Et je trouve que... et puis, on est dans un moment, je l'ai dit tout à l'heure pour la culture, enfin, on est dans un moment de crise sanitaire, on est dans un moment troublé où quand même, vous voyez, le débat avec les plus hautes sphères de l'État sont compliqués, avec un autoritarisme qui fonctionne dans tous les sens. Et je pense ici, nous sommes nombreux à penser et à dire que la vaccination est un moyen utile pour sortir de la crise pandémique. Voilà, et donc il faut se donner les moyens pour y arriver. Bon, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a face à nous un État, un préfet, si je reprends ce que vous dites, qui n'a pas voulu donner raison à la ville de Bagnolet pour pouvoir avoir un centre de santé. Ça mérite un peu de, je dirais, un petit peu de le dire un peu plus fermement, parce que je prends mon cas. Moi, je suis allé sur Doctolib, qui m'a orienté sur Montreuil. Donc, j'étais dans le hall. Je tombe sur qui ? Pour ceux qui ont vécu quelques années à Bagnolet maintenant, Monique Donabédian, qui a été mon médecin, qui était évidemment très heureuse de me voir, ce qui était mutuel. D'ailleurs, on était heureux de se retrouver, qui est aujourd'hui à la retraite. Donc, il y a des forces vives dans cette ville qui sont engagées, qui ont envie de s'investir. Vous l'avez rappelé sur le personnel communal. Et moi, ça me semble... besoin de le souligner, et je crois que souhaitons que les prévisions qu'on nous annonce positives, voilà, enfin, faut être extrêmement prudent, mais si d'aventure ça s'améliore, tant mieux. Mais je crois qu'il faut, c'est un vœu, en tout cas, qu'on mobilise plus fort, plus vite, et qu'on aille, comme vous avez dit tout à l'heure, aller vers. Je crois que c'est une des données qui est extrêmement importante aujourd'hui, parce que c'est là où je reboucle ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement des gens qui sont hostiles au vaccin, mais il y a aussi des gens qui sont perdus, et j'en connais quand même quelques-uns qui sont perdus face au chemin vaccinal, et je crois que c'est extrêmement important pour notre population. Oui, effectivement, je pense que dans cette salle, on est à peu près tous convaincu que la vaccination est utile, même si certains sont absents ce soir, on ne va pas les faire parler. Mais... Et d'ailleurs, les candidats qu'on est un certain nombre à soutenir à l'élection présidentielle sont aussi favorables à la vaccination, et ça me paraît important de le souligner. Je soutiens Anne Hidalgo, voilà, parce que je suis encore membre du Parti Socialiste à ce jour, donc je soutiens Anne Hidalgo et je suis favorable à la vaccination. Après, vous pourrez nous dire, vous qui vous soutenez, ça peut nous intéresser aussi. Bah, vous le savez, moi je soutiens Fabien Roussel. Enfin, attendez, vous rigolez ou quoi? Voilà, je suis membre du Parti communiste. Même y compris si on regarde bien d'ailleurs sur les sondages, on s'est rendu compte d'un truc. J'allais vous dire, le Parti socialiste, ça existe encore. 2%, c'est une blague qu'on nous a fait pendant des années. 2%. Donc oui, je soutiens Fabien Roussel à la présidentielle. 2%, c'est effectivement le sondage du jour. Ça ne nous a pas échappé. Bah bon, si vous voulez, on a fait campagne pour Benoît Hamon à 6% la dernière fois. Donc. Malheureusement, si vous voulez, on commence à avoir l'habitude, c'est fort dommageable. Après, on pourrait avoir un long débat sur l'état de la gauche dans ce pays, mais je pense que ce n'est pas le débat du conseil municipal. Ouais. Grégoire, tu voulais rajouter un mot ? Oui, juste sur la mobilisation des forces vives, parce qu'évidemment, on avait essayé, parce qu'on a aussi Philippe Merin qui a vacciné à Montreuil. Oui, donc, en fait, on a essayé de créer finalement nous-mêmes un centre de vaccination. Mais le problème, c'est que comme on n'arrivait pas à avoir... L'ARS ne nous a jamais donné le label centre de vaccination. En fait, on n'avait pas les doses qui auraient permis d'utiliser toute cette bonne volonté, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de commander les doses comme un centre de vaccination. Donc on n'a pas pu aller au bout de cette idée-là. Mais c'est vrai que ça aurait été aussi une belle chose que de pouvoir créer en parallèle. La séance n'est pas ouverte au public. Mais voilà, je vous remercie. Merci Grégoire. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc, je vous propose de passer au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Je vous remercie. Nous avons un vœu déposé par le groupe Ensemble pour Bagnolet. Vous avez la parole. Bonsoir. Donc c'est un vœu en soutien aux communes refusant d'appliquer l'augmentation du temps de travail des agents municipaux. Sommé par l'exécutif d'appliquer un nouveau régime du temps de travail dans la fonction publique territoriale, cinq maires de Seine-Saint-Denis, Montreuil, Noisy-le-Sec, Bobigny, Stain et Tremblay-en-France ont pris la décision de ne pas présenter de délibération et refusent l'application de cette loi dite de transformation de la fonction publique visant à augmenter le temps de travail des agents municipaux. Et ce, malgré une sanction les contraignant à rentrer dans le rang. Soutenus par six organisations syndicales, CGT, FO, CFDT, FSU, Solidaire, CFE, CGC, ces maires dénoncent sur la forme les conditions dans lesquelles il leur est demandé de mettre en place cette mesure sans prendre le temps d'une véritable négociation avec le personnel concerné. Allongement du temps de travail et suppression de congés. Voilà comment l'État remercie celles et ceux qui étaient en première ligne depuis 2020, ont permis à la société de tenir et dont les salaires sont gelés depuis 12 ans. Sur le fond, Abdel Sadi, Patrice Bessac, Olivier Sarabérous, Asdine Taïbi et François Asensi remettent en cause les fondements mêmes de cette loi instaurant dans les faits la précarité de l'emploi des fonctionnaires territoriaux. Une loi très contestée, mais qui n'est malheureusement pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, tant les attaques contre la fonction et les services publics sont chaque jour plus nombreuses. Considérant que cette loi dite de transformation est en fait une loi de destruction de la fonction publique, considérant la gravité de la crise sociale, sanitaire, économique et écologique que subit notre société, considérant la nécessité de préserver la fonction publique et de lui donner les moyens humains et financiers nécessaires, considérant le strict respect constitutionnel de la libre administration des collectivités locales, considérant le gel du point d'indice et l'impossibilité de rémunérer correctement les fonctionnaires territoriaux, considérant la nécessité de maintenir un haut niveau d'attractivité des territoires et des métiers du service public, considérant la reconnaissance par l'État et de l'exceptionnalité de la Seine-Saint-Denis vis-à-vis de ses propres agents, considérant que le régime des congés constitue une mesure compensatoire légale, le conseil municipal de Bagnolet apporte son soutien aux cinq maires ci-dessus mentionnés. En vous remerciant. Écoutez, quelques remarques. On partage l'analyse sur cette loi. On a eu déjà l'occasion de le dire, notamment lors du dernier conseil municipal. Aujourd'hui, elle existe. On doit l'appliquer. C'est ce que nous avons fait le choix. Nous avons fait ce choix lors du dernier conseil municipal. Nous avons délibéré. Voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour les collègues qui sont mobilisés, mais je crois savoir que certains d'entre eux ont déjà convoqué un conseil municipal en inscrivant ce point à l'ordre du jour, que d'autres ne vont pas manquer de le faire bientôt. Donc, pour ce qui nous concerne, nous ne voterons pas ce vœu. Voilà. Donc, je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le vœu est rejeté. Nous avons ensuite une question orale. Monsieur le maire. Oui. Merci, monsieur le maire. Oui, quelques jours avant la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement en France, les locataires du parc de l'OPH ont reçu un courrier du directeur de l'Office leur annonçant une augmentation des charges collectives. Ce rapport nous apprend que les dépenses des ménages en matière de logement représentent 30 à 40% de la dépense des ménages. Les indicateurs qu'il annonce sont au rouge. 2 millions de personnes en situation d'impayé, 7 millions en réelle fragilité. Une crise de logement qui s'est transformée en crise familiale. Les ménages, selon le rapport, sont à bout de souffle, au bord du chaos. À Bagnolet, nous ne sommes pas loin de cette situation. L'insalubrité s'est installée par manque d'entretien. Les locataires se plaignent de la dégradation de leur logement. Le chauffage n'est pas ressenti. Beaucoup ont fini par investir dans des couvertures, 3 à 4 par personne. Les enfants tombent malades à répétition et l'humidité s'est installée dans les appartements. L'hiver est devenu difficile pour eux. Les locataires sont obligés d'allumer des chauffages d'appoint alors qu'ils payent un chauffage collectif. Ils nous disent jusqu'à quand allons-nous vivre dans de telles conditions. Vous savez, ces logements sont notre patrimoine commun. Un patrimoine construit avec notre argent pour répondre à un droit, le droit au logement reconnu par la Constitution. Par contre, quand on le laisse se dégrader, quand il fait froid, quand les abords sont délaissés, c'est notre patrimoine qui est mis en cause. Et c'est notre droit à un logement décent qui est dénié. En revanche, quand on les rénove, ce n'est pas un cadeau que l'on fait aux locataires. C'est un investissement qu'on leur réalise. Vous savez, en investissant dans la rénovation énergétique des logements, on fait coût double. En améliorant, un, les conditions des vœux des habitants, et en agissant, deux, concrètement pour l'environnement. De la question, monsieur le maire et le président de l'OPH, donc c'est à ce double titre que nous vous interpellons ce soir. Je le disais, les locataires de l'OPH viennent de recevoir leur avis d'échéance. Et je peux vous dire que la colère gronde. Et à juste titre. Ces derniers mois, les pannes d'ascenseur, les problèmes de chauffage, quand ce n'est pas celui du ménage, se sont multipliés. Avant même la régularisation des charges de l'année 2021, l'avis d'échéance de janvier comprend une première régularisation due à l'envoi du prix du mégawattheure. Augmentation liée à la décision prise par le président de la République de démanteler EDF et de privatiser son financement. Aujourd'hui, le prix se décide à la bourse. Les conséquences sont sous nos yeux. Nous payons plus cher l'électricité que nous produisons. Et nous en avons les preuves sur les quittances. Le prix est passé de 9,02 en janvier 2021 à 9,57 en juillet et enfin à 14,23 en janvier 2022. Pendant que le dividende coule à flot pour les plus riches, nos locataires doivent payer la note. Ceci démontre bien qu'il est temps de changer ce monde d'inégalités criantes. Monsieur le maire, beaucoup de locataires touchés par les conséquences de la pandémie sont aujourd'hui dans l'incapacité de payer ce rappel de charges, d'autant que la régularisation des charges de l'année 2021 est à venir. J'ajoute que ce rappel varie d'un immeuble à l'autre. Certains immeubles de l'OPH sont de vraies passoires énergétiques. Le rappel de charges est pour ce locataire encore plus insupportable. C'est pourquoi nous vous demandons, 1, de prendre des dispositions pour étaler dans le temps ce remboursement des rappels des charges, à la fois pour cette régularisation et pour celle de la clôture des comptes de l'année 2021. 2, de porter à notre connaissance les immeubles qui ne bénéficient pas de protection thermique, ainsi que le plan élaboré par l'OPH pour y parvenir. Merci. Oui, chers collègues, votre question légitime soulève plusieurs sujets sur lesquels je vais revenir. Le premier concerne la forte hausse des coûts de l'énergie en 2021. C'est un fait. Le coût du mètre du mégawattheure, j'ai du mal, a été doublé entre décembre 2020 et décembre 2021. Cette hausse a été violente pour tous, pour toutes, et elle se voit sur les factures mensuelles des consommations d'eau chaude des locataires. Le prix du mètre cube d'eau chaude est ainsi passé de 9 euros à plus de 14 euros. La facturation mensuelle de l'eau chaude répercute tous les mois les évolutions du coût. Cela est différent pour le chauffage du logement pour lequel l'Office quittance des provisions qui sont fixées à l'année sur la base d'estimation avec ensuite une régularisation des charges. Il s'agit de l'écart entre les provisions et les dépenses réelles. La hausse des coûts du chauffage a conduit l'Office à revoir les provisions de charges de chauffage en janvier 2022. Cette décision difficile est justifiée par la nécessité d'éviter qu'en 2023, la régularisation des charges de chauffage soit très importante, trop importante pour les locataires si on ne relevait pas le niveau des provisions. Cela pèse, c'est un fait, sur le budget des ménages, mais ne pas répercuter cette hausse des coûts sur les provisions aurait mis les ménages en plus grande difficulté l'an prochain. Pour répondre à vos inquiétudes sur la régularisation des charges de 2021 qui aura lieu au printemps prochain, l'Office met en place à la demande des locataires des plans d'étalement, comme vous l'évoquiez, qui tiennent compte des capacités des ménages. Nous y sommes très attentifs et cet engagement sera respecté. Nous en informerons le conseil d'administration de l'Office et le conseil municipal. Plusieurs autres éléments doivent être précisés. La hausse des coûts de l'énergie n'est pas directement liée à la décision de l'État sur EDF. Je ne suis pas un grand fan du président de la République, mais la chaufferie de Bagnolet produit l'eau chaude à partir d'un mix énergétique qui privilégie les énergies renouvelables. Cela a permis d'ailleurs de baisser le taux de la TVA applicable à 5,5% au lieu de 20%. Autre élément, plusieurs coupures de chauffage sont intervenues en novembre dernier. On a eu déjà l'occasion d'en discuter, notamment sur sollicitation de Mme Desbordes-Silly, et nous allons communiquer, si ça n'a pas déjà été fait, le bilan 2020 de la SDCB. Ces coupures concernent le réseau primaire géré par la SDCB, Le réseau de surface urbain de Bagnolet est très ancien, avec un déficit d'investissement pendant très longtemps. Un effort d'investissement sans précédent est en cours. Les parties les plus fragiles du réseau ont été traitées à l'été 2020 sur le secteur de Lannou et sur le secteur Édouard Vaillant. La coupure de chauffage qui est intervenue en novembre se situait sur une partie du réseau plutôt en bon état et constitue un impondérable auquel nous devons parfois être confrontés, que nous devons résoudre avec la SDCB. La ville a convoqué la SDCB pour demander des explications. En parallèle, l'Office a demandé et obtenu un avoir de 12 000 euros auprès de la SDCB, et cet avoir sera reversé au locataire sur la quittance de février à la demande des différentes amicales, en l'occurrence la CNL et la CLCV. Enfin, vous évoquez l'état du patrimoine de l'Office et parlez de passoires énergétiques. Je tiens tout d'abord à rappeler le manque d'investissement dramatique pendant de longues années sur le patrimoine de l'Office. L'Office est engagé en 2017 sur un plan d'investissement massif pour le réhabiliter et en particulier pour améliorer l'isolation thermique des habitants, des bâtiments. Le secteur des Malassis en a bénéficié dans le cadre de l'ANRU. Paraît utile de le rappeler. Ces immeubles sont désormais classés en catégorie B contre D auparavant. On a d'ailleurs constaté une baisse de 20 à 25% des consommations de chauffage après réhabilitation. À cela s'ajoute la réhabilitation du groupe Girardeau, 161 logements, celle du 50 Édouard Vaillant, dont on a longtemps parlé, et comme par hasard, une fois que c'est réhabilité, plus personne n'en parle, qui était dans un état très dégradé. Je rappelle que la réhabilitation du groupe Édouard Vaillant était attendue depuis 20 ans. Ces investissements font qu'aujourd'hui, le patrimoine de l'Office est plutôt bien classé au plan énergétique, avec 98% de son parc en catégorie B, C et D. Aucun logement du parc de l'Office ne relève des catégories F et G, que l'on appelle les passoires énergétiques. Ce programme d'investissement sera poursuivi et les trois derniers immeubles non traités des Malassis, la tour C4, BB4 et BC6, le seront cette année. La réhabilitation des groupes immobiliers Louise Michel et des deux tours de la Capsulerie sera lancée au premier trimestre de cette année. Le secteur Sadi-Carnot, 542 logements, sera en phase d'étude cette année pour un lancement de travaux de réhabilitation et non pas de démolition, comme certains s'amusent à le répercuter dans le quartier, en 2023, en plus bien sûr du patrimoine qui sera réhabilité dans le cadre du NPNRU. Au total, ce sont près de 1700 logements qui seront réhabilités dans les 4 ans à venir, en plus des 750 logements déjà réhabilités. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir en réponse à votre interrogation. La séance est levée. Je vous remercie.